l'heure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. On se retrouve pour Hind à Brezonek, c'est l'émission 503, Pem Country. Et on commence par Gerio Avué, de quoi va-t-on parler? Alors aujourd'hui, on va parler du verbe klevut, ou klevut, ou klevain, hein, dans certains coins, qui veut dire entendre. Donc, clève, hein, donc la base verbale du verbe, c'est clève, et la terminaison est, ou out, hein. Et donc, c'est une base verbale qui est apparentée, c'est une base verbale d'origine indo-européenne, très ancienne, hein, qu'on trouve dans plusieurs langues, et c'est apparenté, par exemple, au latin gloria, qui, hein, ce son clève clair, là, glow, hein, ça traduit quelque chose qu'on entend. Et donc Gloria, hein, qui a donné le français gloire. Voilà. Donc, alors la base verbale clève, donc peut être utilisée comme mot, comme substantif. Hein, on dit erlève, hein, c'est l'ouïe, hein, erlève, ou erlèved aussi, hein, c'est le sens de l'ouïe. Alors, donc cet infinitif, comme je l'ai dit, a plusieurs terminaisons possibles, mais c'est toujours la base verbale. Hein, qu'on entend d'abord un clève et qu'on entend surtout, quoi. Souvent, les finales sont un peu amorties. Et le participe passé, c'est clèved, hein, donc entendu. Alors, le verbe peut s'utiliser aussi sous forme pronominale. Un homme clèved, hein, la forme réfléchie, s'entendre. Un homme clèved et vel dohu bavamesnes, s'entendre comme deux œufs dans le même nid, par exemple. Hein, une formule. En breton. Alors, ici, d'ailleurs, on dit non glaived. Hein. Le enem, on l'entend non. Hein. Voilà, pour les verbes réfléchis. Quoi. Alors, comme conjugaison, ben, tous les verbes, on sait, ont le même type de conjugaison, hein, sauf avoir et être, on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc, conjugaison basique, hein, mi-glaive, hein, mi-glaive, hein. Miglever loro tinta le nave. On trouve ça dans la chanson de l'abbé Maréchal, Niols Ocuset, hein, situation des Couses Brésisel. Hein, et c'était une chanson qu'on chantait dans tous les mariages. Un tube, chacun. Il y avait toujours quelqu'un pour la chanter. Et puis les gens reprenaient, hein, puisque tout le monde connaissait le refrain, quoi. Et ça revient d'ailleurs, j'ai entendu que la chorale de Mel Carré, par exemple, a ça dans son répertoire. Donc voilà une très belle chanson. Alors conjugaison basique, hein. Donc conjugaison marquée, un BMD glaive en alor, si on voulait retourner la phrase, hein. Et la conjugaison avec l'auxiliaire, un clave ou d'oran, hein. Voilà. Donc un verbe qui se conjugue une fois qu'on sait en conjuguer un, on sait conjuguer tous les autres. C'est ça la logique du breton. Voilà. Alors, des expressions qui viennent de là, Hunterklevud, entendre à moitié, hein, ça dirait un peu dur d'oreille. Il y a Ponderklevud aussi, hein, entendre bassement, si l'on peut dire. Voilà. Hatklevud, bien sûr, hein, réentendre. Hein. Le mot Mgleu, hein, on en a parlé beaucoup avec la disparition de Mgleu Braise, là. Et dernièrement, mais enfin, il paraît que c'est pas tout à fait disparu. Voilà. Un dixième gléo, la mésentente. Un éclair aussi. Un éclair, l'écho. Voilà. J'ai lu une définition, sur des mots croisés l'autre jour. Il a toujours le dernier mot. J'ai trouvé ça pas mal. Ah ouais. L'écho, oui. Voilà. Il y a un verbe aussi, hein, het klevin, hein, qui est, faire écho. Faire écho à quelque chose, hein. Glevidiges, alors c'est un mot féminin, donc il y a la mutation avec l'article. Alors Glevidiges, c'est l'acoustique. Dans une église, par exemple, on cite toujours les églises, hein, comme ayant une bonne acoustique, surtout l'église de Pommery d'ailleurs. Ceci dit, en toute objectivité, bien sûr. De toute façon, oui, de toute façon. Alors des expressions aussi, Klevepus, hein, Klevepus. Ma grand-mère disait souvent ça, quoi. C'était parce que moi j'étais déjà des fois assez distrait. Alors on me rappelait Klevepus, et là on avait intérêt à entendre la deuxième fois, quoi. Voilà. Petra Pesklev, Peter Pesklev, quand quelqu'un était parti à un mariage ou à un enterrement ou à n'importe quel endroit, quand il, ou au marché, hein, par l'autocar, hein, quand il revenait, on lui demandait Peter Pesklev, la première chose, comme ça. Il fallait raconter, voilà, voilà, ce qu'on avait entendu, quoi. Clev ou die Batter, hein, Clev ne die Batter, hein. C'est quand on s'est fait engueuler, quoi, hein. On disait aussi Clevenes y Bediamet, ou Clevenes y Gusperu. Hein. Il y avait plusieurs formules assez imagées. Quoi. Quelque chose qu'on entend souvent aussi, c'est Tientan Clevet. Hein, quand on annonce quelque chose à quelqu'un et qu'il prétend que c'est la première fois qu'il l'entend. C'est pas toujours vrai, hein, mais on dit toujours rien tant de Clevet. Il faut satisfaire celui qui apporte la nouvelle et même lui faire croire qu'on n'était pas au courant éventuellement, quoi. Voilà. Eh ben, graine me monte en trop, voire verbe, Clevet. Hein. Seconde partie de Enter Breizhonek. On part, il me semble, en comparaison de Tolok aujourd'hui, oui. Henri. Chornik est allé voir Iwan Ledu, donc le recteur de Zantolok, qui a célébré une fois de plus le pardon de Saint-Hernin, le premier dimanche de mai, donc à Kerizel. Alors on les écoute. Salut toi, trouper, Sand. Pénonce mon compte. Matré, Chornik, matré. L'arrêt d'Inta. Trémédène Madé, pardon de Zanterne, bas chapelle Kérisel. Matré, matré, chanique, calze du zobit, banaverne de beurre, à Tchimedel ou à vide gousper ou de nabde, à calze du de zo chomet et vide roariou. Pessa roariou? Ah, j'ai chat de noir gordon, reda de guardroute, basiout, gouren, telmin poes, zevelen arel, hag concours boule ou evel juste. Kroget man neus un tantad. Ah ya, roi de oisir mat. Ah. A kan ur eant dut? Ya, kan ur eant dut, dut de blichte kan o ebrezon de vel da skouer kantik zandern. Hein. O zandern, o zandern, war un ton zeil. Ben eblav o gred ar pardon roi skena? Ya, ma ve bolon te dou e bo pret chandik. Et on reprend phrase à phrase ce dialogue sur le pardon de Saint-Hernin, à la chapelle Kérisel de Zantolek, dialogue entre Chornik et Iwan Andu, le recteur. Salut d'autres personnes. Bonjour, monsieur le recteur. Pénonce Banco. Comment ça va? Matré, Chornik, matré. Très bien, Chornik, très bien. L'arrêt d'Inta, Trémélé de Mâle et Pardon de Santerne, pas chapelle Kérisel. Ouais, dites-moi, est-ce que le Pardon de Santerne dans la chapelle de Kérisel s'est bien passé? Ma très chanique. Casa du Tevois Banoverne d'Herveret. Il y avait. De Beuret. Beuret, oui. Il y avait beaucoup de monde à la messe le matin. À Kemendel, Vidarcuspero. Et autant pour les vêpres. À Casa du Tevois au chômage de Vidarwario. Et beaucoup de gens sont restés pour les jeux. Pesarwario. Quel jeu? Sacheden War Gordon. Oui, alors le tir à la corde. Reda de War Droite. La course à pied. Basiout. Basiout, ça se traduit pas. Basiout, c'est Basiout. Gouren. Gouren, ça se traduit pas non plus. C'est la lutte bretonne. Hein. Tolmin Pouis. Oui, on jette le poids. Alors, c'est des poids de 20 kilos. Hein, il faut se spécifier quand même. Zével en Arel à concours boulot. Oui, lever de l'essieu. Et puis, concours de boule, bien sûr. Krog et Mad nous ont tentat. Et le tentat a bien pris, le feu a bien pris dans le tentat. Ya, à roi des Wazermat. Le bois était bien sec. À quand on aurait endut? Et les gens chantaient. Ya, azur, endut d'ablige des canons et brezonek. Les gens aiment bien chanter en breton. Ben ablav au gré d'ar pardon de roi Sganar. Oui, l'année prochaine vous ferez encore le pardon. Ya, m'avait volonté doué. Oui, si c'est la volonté de Dieu, parce qu'il a 87 ou 88 ans, donc il répond tous les ans, ma volonté douée. Si c'est la volonté de Dieu. Et on passe à la troisième partie, après ce dialogue, ce sera Petras au Neve Hervron. Petras au Neve Hervron. Calzedra ou au Neve Hervron, au Boer Vejdi ou Zan. Krogom de Tientan, les Velkis à Custum, Gandela Bourdouar, Agavu et War Armes. Et donc vraiment, bah misme, bah crèche de misme, bah misme, Kandap gay, Vigelar et Gwegel. Gwegel, Vigelar de Kandap, bah tout de ferme au Bavro, Zézokos, au Kaz de Barkeya, Agazo Handvet, Kandabek, Anik Kanapé, Velvelard Vejo. Implige de vigier en abdopper calzedra ou vel cordénou, vel nœud d'or d'enve, videu aderien. Blasou, vel rad roas, canab breis, d'or bub sortrou, d'asquer ve mesquigorra et vide la cadoireur, or mogeriou, galag vel arze, chaud chanvre. Vigenam, vous aurez contendard de stiezegevrou, yezegezobé de visquoise londe de bouise breis. Evel, calz, vigé au neurot d'asquir, vigé quand de ton œil yézeg, hein. Tiézeg puru, tiézeg la rue, hein, ne ne ce que gwellor évitait. Péru, pémelen, pépéchar, arin saumest, warren drouar. À trirant de l'asso, ou à bête crou, et gander stat, stat brohal, tiézeg yézeg, de l'arrêté, nara, et velard d'in galak. Hag boer bladau vildé que man n'a rayo d'indan gal ou de NIFC, gal hag e Institut Français du Cheval. Hag e breiz, oa dao a rav eta vraiment, hein, o nant ba lambal hag on el ba en bon. Hag vraiment moign de verzan, hein, oa an ket pe sa mot vo kont gante, hein, pet vo gret barz. Sort mirdi war un dro yezek matrezen, mais bon peu moins de verzo, hag narayo ou naran ketin, war dro un marou. Bon, dans bon temps, vraiment war dachen un endro. Tregon de l'asso, war straket, kreiz un nuclé el Tchernobyl. Hag Tchernobyl zo un dier, an eus ke moyen de chombar stin, a tro war dro et mambes mo, da ze ou dis pat kantvedou a kantvedou. Hag e-bouez o bet o straka den el, ba Fukushima, ba bo Japon, med amman ba brovranz, pen o braz, zo dal a bouar, n'enkudan de se, an ne vo kezer et kreizen nukele, le bet mamas fesenheim, vo chomo, an a n'enkevezer, ine, pudur waran ke pe sa mo divon tonne, pudur pe vegwel ba brenilis, an tam central mbi, an a, Nen ket war vid ur kont bet deja gant Brenilis, gant Fessenheim, war anke pe sa mod, half an yober. War da chen ur skeul amzor, bremañ pe ur hin velard, bremañ. Se zo ur nang moa ket be klevet pe oan. Ya oag ur hin, hien, H-I-N. Mi der o la skeul amzor, plijor adin gwella. Waler an ur ver an vraz oa bet... ged COP21, COP non noir nugen, hein, ba Paris, zo bet zinet ba New York, un emglev oa bet kavet ba Paris, hag gwelet vo ba namzor de zon, nag e vo e fe du ze vid ske lamzor. War da chen en an dro oaz, mondera oa rog lin en tou an TGV, tiz vraz, tre Paris a roazon. A pe vo er, chu e labour, bon, ne vo ke lak me di rentur tin, de zon de Paris de Vengam. Pe oan yo an vi j'e lak e seizer, de zon de Paris de Betagouem. Bon, me un dud gammer e amzor, an de gomz ban train, an de chak al tambo bouet, kasi bon pe di j'e chak bouet het a het gant an et. E vet o bon de ce que se, quoi. Bon, hag vej, ba, gwem gwem vij et apen notokar jan ma igle, ala ke dir pe dir rentor de zon de zven gom beta purut. Dan mon tom war dro un politiker es bromen. Per ugen blasso, den tri un viz mei, mil no han rwer a tregon, e oa ed un maud vid de vota degou, gant ta leur bobl, galek front populaire. Ne oan ke gande de houlse, pu duron gande dek la waler, Mais quand Adin ouais meus be rana veus e, peut dur tiem bedel, meus be clev comps de se, pe oan yo an. Un dut gonte de se, bon, pel oa l'air, peut dur oa bed roed diouzun vacances ou d'un dut, juz oa l'air se, a se oa ker vid an ouvrière, yon re oa ba mez vro, ni oa gal don de vro, pat pem zekte. Hag deus pe sobed oaz, Bolitikour, yon eus un tugwen, l'ar e oak an andravad rei konje d'an ouvrier. J'ai be rivine de ur stal yo ganze, kust pel redier. A gos kout e bremañ, gredan ke zo politiker bet a houlfe kinig supprime ur vakans ou d'an ouvrier. Met de houls, se zo vel votadeg ou mer, j'ai l'arme a meus mod, j'ai vel an dras pontus vid un demokrate leus. Il y a gueulare de chancheur entre eux. War d'achen ur sport, vraiment. Kal ze du de breiz, zo dide net gant ur eda degou war vélo. Vo epel zo, pe oan yo, bon, un dud voa dide net kre gant un tour de France. Hag l'ar meustar a vegel vo gret de Telven ou ba Carrez, vid de Jean Robic, Luison Bobet, a Bernard Hinault. An eus ke pelzo, oa belid de perugen la Raymond Poulidor. He ez neket eus evro, me plijer e kal d'o vreton eta. Bon, me blanmen dramno ket un tour breiz, lans oreil deus menez an mitchel, eus o babro normand e herve klet, a mond oreil d'ustu war zu reiste, dre Angers, Saumur, Limoges, betag menezio ur peireneet. Bon, A jugement, peut-être comme de deux heures et d'adoc, deux heures et d'adégou, et vel juste, et red comme deux heures et d'adoc, zo bé, vidéo en présent, d'un gars. A zo échu de seize de vismé, ou a échu de, bah, localement, donc, bah, bro, gouinet, hein. A pas de zune, hein, dig dé, ma meuse, red adoc, ne se grette, 1650 kilomètres, ou a rien chou braise, tram de déambe, bah, vro, bah, bah Boulevriac, bah Larune, bah Rostren, bah Tiergrist, à Gontan partout doit gred Gwelio vid Gamer Redadak, à Zézobé de bras hardi, à Pewaï, bah Loqualmandon, à Pemkanzon, à Mezon, au son, à Kals Obligadur, à Bron de Gozir, à Zézo, on tombe Narwes de The Startition, un zoo, un drôle en présent. Wardash, un rié, soit, Vichon montant, moi, d'âge, c'est nos événements, pelzo, zo, braise, calz, livourien, amazo, l'air, en nos bédi, zo, bé, calz, livourien, et pondaven, et vel juste. Ag, bah, pondaven, ou abed, tud, vel, Paul Gauguin, Paul Serrusier, Émile Bernard, bon, à calz, réel, en nos bédi, livre, trop, bah, pondaven. Ag or mirdi ou abécrou et grande parouse pondaven très grande lasso ag mirdi ze zo behad nevezet justement de vid di gamer quand mille dut bepla ag cleve mes combs de si de ce que quoi le bezo mes cleve doit que de bid la que tombe raison de bid ba mirdi à cette uso bétude ne se grédo or gantel braison de fent justement on tombe astu maïta vid cool, vous faites bien là, que me sera en temps braison, donc, peut dire, pendant, ben, zo, bah, ou un terreau, en braison, de gamme. Bon. Ou alors, même, stache, livourien, ma peu soin, pas de nom, vos, bah, rostren, on dit, squedade, quand tolène, ou bête livre, dans Simon Hormone, hein, zo, bégande, bah, trégorne, bah, margor, trégorne, gronvel, ag, zo, mar, banan, grande, doigt, bah, mille, no, han, onik, ag marbanan de Deauville 1. Ag bon, mais comme j'aurais trop mot de ragombe de ces meneurs végéloises, de ce discoisade que vous bas rostren, gand toleno, simon hormogne. Vichon mouardache en orglade, balarun, zo bet zave neveso or gevridiges, et vide hatien penantig à artirgar, ou à bezave du warlinen, zo très gwen gam à Saint-Nicolas, bah, blanc, mille no han, père à Warnugan. Ag, bon, ayo a quid, un peu dur l'île, ne ce que pas de mes pères aigla. Ag, gar, ou a bédileuse, que d'un bessotu de chombard, mais bédileuse que warzé. Ag, bon, zézo, on tombe de ce glade, hein, de ce glade orvro. Ag, bon, moyenne vaut de conto de c, de ce, de tout peso tramen et bagar de ze ligne na or gano un wa begred pe wa bezer et ba mil no han et isa très grand Jean et Gustave Godec de ze Guergini ou ba parous marg wa begred or gano un wa onton polka villard ou triste zeri ligne na di war de tient tambla hervé meus clève nagon zako bian ne vaut dim supprime ya supprime le vaut à casse mes œuvres agen employerien chomo un repos de dédius en heure bla la roseau la roque navo œuvre mansore de gars vous donne Taco, ahir et argano, on a ni que mais longtemps. Ben ouais, un rôle de vie de cassette en européen, justement. Puis on commence de ce glade, ouais, goût de rhum et bulat au nom de ce parouge ou l'air au mu en drau, ou ardache en glade, justement de Nevesos au bigré d'un DVD, gant Jean-Paul Roland, ag Michel Barachetti, à ma treize, un peu sclève de Jean-Paul au comte de Séoir, ben, abad, un tude de Zevro. A que, bon, ben, bulat, evel juste, hein, zo calze drôle de vel, a grand un DVD, zo moyen de vel, calze drôle, dis han av, de massen en dune, han yon que tout. De zul, pemse gevisme, zo bas en service, On est au stall artisan, on est au mar à trop grec en artisan, grec en orgévridique, à zazo, on est anatole, zimuscard bra, plus dur anatole, bras, ou à grande base en service, ag anatole et displéga dur de ce nom, on est association nature artistique totalement ouverte, libre et enjouée. Ah, c'est mignon. Anatole. Ah, oui. Hein? Zimuscard votre bras, ou quoi, hein? Hindel Wardash de Glad, Juan de Skugual Bezo, ou abé de stage zoner, modèle, bah, chapelné, azo béran wardro, hanter canne dude, stage, azézomad, agavi déchu, Wardash de Glad, Philippe Guillou, ne se dans le tel film névé, ou arrestade, tiré cube, bacarès, ya, agazo, bah, réhir et on tombe vite ramène ban télé, mais on doit être crénonant, on tombe de, mais ramène rey ban télé, hein. Voir, stage dit récup. Bon, c'est une même grève, on tombe trop de tout se pessonner. En roi, ça veut faire de l'art, mais, ben, végèle, vous comme ça, roi. Qu'est-ce que nous, Eri? Qu'est-ce que nous,